AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Covido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Je sais pas qui vous pourriez... c'est dommage, parce qu'évidemment, la plupart des membres qui ont connu cette époque-là, ils sont disparus. Je peux rien dire là-dessus, absolument rien. Je ne savais, je connaissais même pas cette histoire. J'ai oublié. Ça arrive. Oui, mais j'ai oublié. Pour moi, c'était une dame très classique, tu sais, avec une permanente blonde, mais plutôt décolorée, parce qu'elle était quand même un peu âgée. Quand je pense à une personne aussi raffinée et aussi amoureuse de l'esthétique, qui était dans un endroit aussi laid. Ce souvenir de Sam, une série d'Antoine Tricot réalisée par Séverine Cassard. Quatrième épisode, Marie-Rose. Alice Colanis, Les Temps Modernes, numéro 599, 1998. Sous l'occupation, Sam avait une fausse carte d'identité, m'avait dit ma vieille amie Marie-Rose, qui connaissait son père et sa mère. Elle était le dernier lien de Sam avec son passé. Sam, enfant, était trop gâté par ses parents, m'avait-elle dit, elle qui était juste et sévère. La France défaite, Sam aurait été envoyé par précaution à la campagne. Était-ce en Beauce, dans le pays de Marie-Rose? Et ses parents, inquiets et angoissés, lui avait remis à elle de l'argent au cas où. Le cas où est arrivé très vite. Et quand le garçon est revenu étourdiment à Paris, les nazis ont mis la main sur lui. Drancy, Auschwitz, celui qui est revenu était une ombre qui pesait 38 kilos. Marie-Rose l'a soigné, puis lui a remis son argent. Une fois rétabli, elle lui a fait comprendre avec fermeté, comme il s'attardait un peu, qu'il devait voler de ses propres ailes. Et lui, qui autrefois refusait de toucher un pinceau, s'est mis au travail, en commençant par son propre portrait. Très vigoureux, très beau, que j'ai pu voir chez Marie-Rose. Les souvenirs sont étranges. Nos mémoires les classent, les stockent, les déforment. Puis nous nous les passons de génération en génération, oubliant même qu'ils sont partiels et déformés. Ma grand-mère m'a beaucoup parlé de Marie-Rose. Elle était essentielle dans l'histoire qu'elle nous faisait du destin de son ami Sam. Marie-Rose incarnait dans cette fable un personnage maternel à la fois réconfortant et autoritaire. Mais pas une fois je n'ai entendu ma grand-mère prononcer son nom de famille. Je ne connais que celui de sa nièce, Rolande de Pape, qui était probablement la compagne de Sam à la fin de sa vie. Pour ma grand-mère, Marie-Rose était Marie-Rose, ça suffisait. Ma mère aussi a oublié son nom de famille. Marie-Rose, tu te souviens plus de son nom de famille non plus? Hélas, pour l'instant non. Peut-être ça me reviendra. Parce que dans son article, elle dit que Rolande était la nièce de Marie-Rose. Oui, mais elle s'appelait pas de Pape, Marie-Rose. Oui, t'es sûre? C'est sûr. J'ai voulu retrouver des traces de Sam pour faire plaisir à ma grand-mère. Mais si je veux avancer, je dois me rendre à l'évidence. Il me faut aller fouiller dans ses affaires. Je suis donc retourné dans son appartement, au dernier étage d'un petit immeuble du 17e arrondissement de Paris. Je passe en revue des dizaines de pochettes où ma grand-mère a patiemment classé des coupures de presse sur le féminisme, la religion ou le nazisme. Et soudain, entre deux liasses de lettres, je trouve quelques feuilles rassemblées par un étrange trombone en forme d'étoile. Et je lis... Dimanche 15. Mais c'est beau ton Ardèche, ma chère Alice. Que ne m'avais-tu dit ça plus tôt ? Après bien des tâtonnements, j'ai fini par débarquer à Ruonce. Je ne sais pas si tu connais. Le village n'a rien de sensationnel, mais on y trouve tout ce dont on a besoin pour vivre et se loger, et il est au bord de l'Ardèche. Comment vas-tu ? Tes projets de vacances pour le mois de juin tiennent-ils toujours ? Quelques nouvelles me feraient plaisir. Affectueuse pensée, Marie-Rose. Le 12 novembre 73. Ma chère Alice, actuellement, je suis en vacances à Sélette. Je suis partie sans avoir eu le temps de téléphoner à qui que ce soit. René est maintenant à l'hôpital d'Ivry pour le reste de ses jours. Je lis dans le journal que vous avez toutes sortes de misères à Paris. Pas de fruits, pas de légumes. comment vont tes enfants et ton mari ? Je t'embrasse affectueusement, Marie-Rose. Ivry, le 10 juillet. Ma chère Alice, je regrette bien que ton travail me prive de ta visite. Ne te fatigue pas trop pour les Giscardiens. Voilà, ma chère Alice, quelques nouvelles de la famille. Roland est parti dans le Midi pour 2 mois. D'abord, elle fait visiter à Sam. Ensuite, elle doit passer une semaine aux environs de Vence, dans une villa prêtée par un copain. Puis finir son séjour chez Madeleine. Elle n'était pas très en état quand elle est partie, si bien que je n'ai pas de nouvelles. Je te quitte, ma chère Alice, en t'embrassant bien affectueusement, ainsi que tous les tiens. Marie-Rose. Il y a encore une dernière carte postale, postée à Ivry-sur-Seine et tamponnée le 12 septembre 1975. L'écriture y est difficilement déchiffrable. Elle est tremblante, presque recroquevillée sur elle-même. Ma chère Alice, tu dois avoir regagné ton foyer et tes filles. Quand espères-tu venir me voir ? Je t'attends. Baiser affectueux, Marie-Rose. Sur aucune de ces lettres, je ne vois le nom de Marie-Rose. Heureusement, je retrouve un peu plus loin une autre lettre dont l'écriture n'est pas la même. Sur un bout de papier, ma grand-mère a écrit « Marie-Rose et sa sœur Renée Berland, mère de Rolande, l'amie de Sam. » Si sa sœur ne s'est pas mariée, il y a des chances que le nom de famille de Marie-Rose soit Berland, Marie-Rose Berland. Avant de poursuivre ma recherche sur ce nom, ma curiosité me pousse à lire la lettre de sa sœur. Elle semble avoir été écrite en 2 temps, le 29 et le 30 décembre 1975. Elle provient de l'hôpital d'Ivry où les 2 sœurs sont alors hospitalisées. « Chère Alice, sois remerciée du fond du cœur pour nous avoir tranquillisés. Marie-Rose a été transportée de mon côté à l'hôpital médecine Charles Foix, salle Combo. Je suis allée la voir tout à l'heure, c'est tout près d'ici. Je pense que ce ne sera rien et qu'elle rejoindra sa chambre à la tour d'ici quelques jours. Remerciements et amitié. René. » Plus tard dans la nuit, René Berland écrit sur la même feuille. « Pardonne l'écriture et les fautes. Je ne vois plus. Je t'écris le cœur gros. J'ai vu Marie-Rose à la médecine hier à 15h30 et j'apprends ce matin qu'elle est décédée à 3h10 cette nuit. Je viens de l'endroit où elle a été transportée et de faire des démarches. Je n'ose prévenir Roland. Affectueusement, René. » Marie-Rose, tu te rappelles à quoi elle ressemblait ? Bah, pour moi, c'était une dame très classique, tu sais, avec une permanente, des yeux bleus, blonde, mais plutôt décolorée, parce qu'elle était quand même un peu âgée. Du rouge à lèvres, rouge, des yeux bleus, peut-être maquillée, bleue, petite. Voilà, c'est ce dont je me souviens, des bijoux. Elle fabriquait des bijoux, c'était les siens qu'elle portait. Oui, des bijoux sur elle. Je suis allée la voir à l'hôpital avec maman, une fois. C'était horrible. C'était une espèce de salle commune, hein, les hôpitaux pour les vieux. C'était l'hospice, non ? Ouais, l'hospice, oui. À Ivry ? Ouais. Je sais pas combien il y avait de lits, peut-être 6. Et c'était des lits d'hôpitaux, tu sais, en fer blanc, là, peint en blanc, espèce de blanc crème. Il y avait des paravents. C'est vraiment l'horreur, quoi, quand je pense à une personne aussi raffinée et aussi amoureuse de l'esthétique, qui était dans un endroit aussi laid. Éloge de la laideur. Je trouvais ça vraiment triste. Et après, je n'y suis jamais retournée avec elle. C'était trop dur. Dans son article, ma grand-mère décrit la tristesse de l'enterrement de Marie-Rose. Elle était seule à suivre le cercueil avec une nommée Madeleine, dont elle n'a pas non plus conservé le nom de famille. Si le nom de Marie-Rose est bien Berland, et comme j'ai sa date de décès, je peux avancer dans mon enquête. Si je trouve le lieu de naissance de Marie-Rose, je trouverai peut-être le lieu où Sam a été caché durant la guerre. État civil, bonjour. Oui, allô, bonjour, Antoine Tricot à l'appareil. Je pense qu'une de vos collègues a essayé de m'appeler ce matin pour faire suite à une demande d'état civil que j'ai faite hier, d'acte de décès. Est-ce que vous pouvez rappeler dans 5 minutes, ils sont sortis pour l'instant ? Oui, très bien, je fais ça. Ah bah je crois qu'ils arrivent, ne quittez pas. Ah merci. Vous passez quelqu'un. Merci. Oui. Oui, allô, je reprends la communication. Oui, allô, bonjour, Antoine Tricot à l'appareil. Je ne sais pas si c'est vous qui m'avez appelé ce matin, vous m'avez laissé un message sur mon portable suite à oui, ma... Oui, effectivement. Ouais. C'est ça, effectivement. Du coup, en fait, sur les deux demandes d'actes que vous nous avez demandé de vous adresser, j'en retrouve qu'un seul sur les deux. Du d'accord. Coup, je voulais approfondir avec vous pour voir si elle était décédée chez nous ou plutôt inhumée ou autre. Alors... Laquelle des deux est-ce que vous avez retrouvé? Je pense que c'est Renée, c'est ça la deuxième? Oui, Renée Berland. Vous l'avez pas trouvée? Celle-ci, non. Par contre, Marie-Rose, je l'ai trouvée. Ah, super. Bah, écoutez, je vais essayer. Moi, je vous envoie le document pour Marie-Rose, mais par contre, pour Renée, je suis vraiment désolée, j'aurai rien. Bah, d'accord. Elle est inhumée dans ces cas-là sur Ivry. Si c'est leur adresse de domiciliation était Paris, il se pourrait que ça soit le cimetière parisien situé à Ivry. Et malheureusement, c'est pas nous qui le gérons, ça. Très bien. Merci voilà. Beaucoup. Bonne soirée. De rien. Au revoir. Quelques jours plus tard, le certificat de décès de Marie-Rose arrive dans ma boîte aux lettres. Le 31 décembre 1975, 3h15, Berland Marie-Rose est décédée en son domicile, 7 avenue de la République. Marie-Rose Berland naît à Bouville, Eure-et-Loire, le 4 mars 1893, sans profession, fille de Armand Eugène Berland et de Marie-Lucie Valentine Galopin, époux décédé, célibataire. Dressée le jour susdit, 13h30, sur la déclaration de Jean Groseille, 50 ans. J'ai enfin obtenu des informations concrètes sur Marie-Rose. Elle est née en 1893, elle avait donc 52 ans à la fin de la guerre. Sur Internet, je vois que Bouville, où elle est née, est une petite commune de 600 habitants, située à 30 km au sud de Chartres, en plein cœur de la Beauce. Ses parents étaient cultivateurs, dans un petit village juste à côté, à Genarville. Je pousse un peu plus ma recherche sur le web. Je trouve des sociétés au nom de Marie-Rose Berland, et quelques autres homonymes qui ne correspondent pas. L'une de ces Marie-Rose Berland est d'ailleurs décédée en 2021. Rien sur des enfants cachés dans la région pendant la guerre. Et au milieu de ces liens, je trouve une page nommée « Guide du Paris révolutionnaire ». Je tombe alors sur un livre en PDF dont la première notice parle de Marie-Rose. Marie-Rose Berland habitait une petite mansarde lumineuse au numéro 5 de la rue du 29 juillet qui donnait sur le jardin des Tuileries. Sa confiance en tout être humain se lisait sur la petite pancarte accrochée à sa porte. « Entrez sans frapper ». Pour gagner son pain, elle confectionnait avec art des chapeaux, des bijoux et des céramiques. Doyenne du groupe Socialisme ou Barbarie, 1949-1967, elle dépassait la soixantaine, vaillante et chaleureuse. Elle arrivait toujours la première au séminaire du groupe qui se tenait périodiquement dans un coin de la mutualité vers 8h du soir. Elle prenait patiemment des notes pendant les réunions. C'était en 1957-1958. Ce groupe s'était retiré du Parti communiste internationaliste d'obédience trotskiste en 1947. Il n'était plus d'accord avec la défense inconditionnelle de l'URSS, qui ne lui apparaissait plus comme un État ouvrier dégénéré, mais comme un capitalisme d'État bureaucratique, tendance vers laquelle évoluerait le capitalisme mondial. Ngo Van. Quelques clics plus loin, j'apprends que la personne qui a écrit cela, Ngo Van, est un militant trotskiste et anticolonial vietnamien exilé en France à partir de 1948. Je me demande comment Marie-Rose a pu passer de sa petite famille beauceronne à cet appartement du 1er arrondissement de Paris qui semble avoir été un haut lieu de la gauche révolutionnaire internationaliste. Mais je me demande aussi comment elle s'est retrouvée à Socialisme ou Barbarie. La revue du même nom est célèbre aujourd'hui. Il faut dire que deux des cofondateurs, Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, sont ensuite devenus des philosophes mondialement reconnus. Dans un livre sur Socialisme ou Barbarie, l'auteur Dominique Fragère a le mérite de consacrer un bref encart à Marie-Rose. Il explique qu'elle fait partie des cofondateurs du groupe en 1949. Elle a écrit dans la revue un seul article, une critique d'un livre sur la vie ouvrière sous le Second Empire. Mais dans la plupart des récits sur Socialisme ou Barbarie, elle a été oubliée, comme les autres femmes du groupe. Grâce à Dominique Fragère, je retrouve le numéro d'un ancien membre de Socialisme ou Barbarie encore en vie, Daniel Blanchard. Il a fait partie du groupe de 1957 à 1964. Allô ? Oui, allô, bonjour. Antoine Tricot à l'appareil. J'essayais de joindre Daniel Blanchard. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. compris qui vous êtes. Oui, je suis Antoine Tricot. Je suis journaliste pour France Culture et j'enquête sur une amie de ma grand-mère, en fait, qui s'appelait Marie-Rose Berland. Oui. Mais elle n'est pas là pour l'instant. Est-ce que vous pouvez rappeler à un autre moment? Absolument. Dans une heure, peut-être. Super, très bien, c'est noté. Si ça vous va? Ça me va très bien. Bon, parfait. En attendant de pouvoir rappeler Daniel Blanchard, je me demande si Sam a fait partie lui aussi de socialisme ou barbarie. Est-ce que Marie-Rose l'a entraîné dans ses cercles du marxisme critique opposé à l'URSS? Comme tous utilisaient un pseudonyme, peut-être qu'il se cache sous un nom que je ne reconnais pas. Allô? Oui, allô, bonjour Monsieur Blanchard, Antoine Tricot à l'appareil. Oui. J'enquête sur une amie de ma grand-mère en fait, une amie qui s'appelait Marie-Rose Berland. Et... Oui, bon, moi je l'ai aperçue, Marie-Rose, mais pratiquement, je peux pas dire que je l'ai vraiment connue. Bon, c'était quelqu'un de très sympathique, parce qu'elle était extrêmement vivante, elle avait ce côté populaire, parce qu'elle avait été modiste, et elle était peintre, là, elle avait son atelier dans la rue du 29 juillet, je crois, au Palais Royal, là. Et nous, enfin je veux dire nous, c'est-à-dire le groupe Socialiste Barbarie, nous avions accès à un très petit local où on avait mis une Renault, et il fallait passer par chez elle. Alors c'est uniquement à ces occasions-là que je l'ai aperçue. Elle était toujours très cordiale, mais je ne peux pas dire que je l'ai vraiment fréquentée. Est-ce que vous vous souvenez comment elle était physiquement? Oui, je sais pas. J'étais une femme assez âgée quand je l'ai connue. Elle était, comment dire, elle avait une espèce d'élégance populaire un peu luxuriante. C'est quelqu'un dont j'ai un souvenir visuel assez net. Enfin, bon, je pourrais pas définir ses traits, mais parce que bon, elle était très attachante, quoi. Bon, et c'est vrai que c'était vraiment le personnage de l'ouvrière, l'artisan parisien, vraiment sorti du 19e siècle, de la classe ouvrière, avec la langue bien pendue et une présence forte, quoi, comme ça, très... Voilà. Bon, c'est tout ce que je peux malheureusement vous dire, c'est des impressions très fugitives. Et est-ce que vous vous souvenez un petit peu de son appartement, comment il était? Oui, elle avait un grand atelier, là, oui. Je crois que c'était au 6e étage ou au 5e, je ne sais pas, enfin, au dernier étage. C'était très un bel atelier, très clair. Justement, on passait par chez elle parce que le local auquel on avait accès était aussi comme ça, dans une sous-pente au dernier étage. Là, on avait juste une Renault sur laquelle on imprimait soit des tracts, mais c'était, on n'avait pas une activité extrêmement militante. Mais surtout, on publiait un espèce de journal mensuel qui s'appelait Pouvoir ouvrier, qui était, lui, tapé à la machine et renéoté. Je sais que, bon, de temps en temps, on jetait un coup d'œil sur la toile qu'elle était en train de peindre. Bon, c'était des choses assez, toujours très, très hautes en couleur et très, oui. Et enfin, je sais même plus du tout à quoi ça ressemblait. Si c'était, je pense que c'était figuratif, mais je peux pas dire. Et en fait, je recherche un autre de leurs amis communs, à ma grand-mère et à Marie-Rose, qui s'appelait Samuel Mandelbaum. Et ça, je ne connais pas. Et qui était peintre aussi. Et ma grand-mère disait qu'il y avait ces tableaux qui étaient exposés dans l'appartement de Marie-Rose. Mais j'imagine que vous n'avez pas de souvenirs. Ah non, ça, j'ai aucun souvenir. Je ne savais pas cette relation avec Samuel Mandelbaum. Qui, pour moi, d'ailleurs, je ne sais pas, ça ne me dit rien, vous voyez, c'est... C'est quand même, tout ça est quand même très lointain, comme vous voyez, vous vous en doutez. Je sais pas qui vous pourriez... Ben c'est dommage, parce qu'évidemment, la plupart des membres, disons, de cette, qui ont connu cette époque-là, ils sont disparus. Vous n'avez pas de photos de cette période? Des photos? Non, non. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Des années après la fin du groupe, quand on s'est réuni avec quelques autres anciens camarades pour monter une anthologie de la revue, on a constaté une chose, c'est que nous n'avions absolument aucune image du groupe. Je ne sais pas, ce n'était pas dans notre mentalité de nous projeter dans l'image. Donc, effectivement, on n'avait absolument aucune mémoire graphique des fonctionnements du groupe et des personnages qui y participaient. Oui, c'est rigolo par rapport à aujourd'hui. On a du mal à s'imaginer que ça ne laisse pas de traces. Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour votre aide. À bientôt. Oui, bon courage pour la suite. Au revoir. Au revoir. Si on m'appelait de but en blanc dans 66 ans, en 2089, pour me demander de me rappeler des personnes que je côtoie actuellement, je ne suis pas sûr de m'en tirer aussi bien que Daniel Blanchard. Je me rends compte en le disant de la fragilité de mon enquête. Peut-être qu'elle est vouée à l'échec. Je m'y suis pris trop tard. L'oubli a peut-être déjà emporté tous les souvenirs de Sam. Et pourtant, il suffit que je retrouve un autre membre de Socialisme ou Barbarie encore en vie pour que l'espoir renaisse. Henri Simon a rejoint le groupe au début des années 50, avant de le quitter en 58. Je retrouve son adresse mail et quelques jours après l'envoi de ma demande, la réponse m'arrive. Bonjour. J'ai en effet bien connu Marie-Rose et je puis vous conter ce que je sais d'elle dans mes souvenirs. Si cela ne vous gêne pas, nous pouvons nous rencontrer chez moi car j'aurai bientôt 99 ans et ne me déplace pas facilement. Vous me dites avec assez d'avance ce qui vous convient. Bien amicalement, Henri Simon. Est-ce que vous vous rappelez lorsque vous avez rencontré Marie-Rose Berland ? C'est aux réunions de Socialisme ou Barbarie. On était un petit noyau parce qu'il y avait un clivage à Socialisme ou Barbarie, les intellectuels et les autres. C'était vraiment très net, on ne se fréquentait pas. Et il y avait tout un groupe de jeunes. On se voyait souvent, on était solidaires, on s'entraidait pour des histoires de mômes, pour pouvoir sortir, etc. Et Marie-Rose, qui n'était pas jeune, elle faisait partie de ce clan, si j'ose dire, à l'intérieur de SB. Parce que moi, je suis entré à SB en 53 seulement. Donc, ce qui s'est passé avant, je ne sais pas grand-chose. Hein. Mais pratiquement rien. Mais après 53, bon, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Est-ce que vous vous souvenez à quoi elle ressemblait alors ? Bon, c'était une femme assez grande, brune, qui faisait pas vieux. C'est pour ça qu'elle s'était liée facilement avec ces bandes de jeunes que nous formions. Parce qu'à l'époque, en 53, j'avais 30 ans, tout juste 30 ans. Et on était tous à peu près, c'était la génération qui avait passé la guerre plus ou moins dans l'adolescence, et puis qui avait été politisé dans cette histoire de résistance et tout ça, et puis qui venait de différents mouvements. Certains sont sortis du trotskisme, mais d'autres sont venus après, se rajouter, venant d'horizons divers. Mais Marie-Rose est sortie et faisait pas été trotskiste, je pense. Est-ce que vous pouvez me raconter comment se passaient ces réunions où assistait Marie-Rose aussi ? Alors, les réunions ASB... Bon, il ne faut pas se faire d'illusions, à l'époque, c'était pas grand-chose. Hein. Il y avait des réunions hebdomadaires. On était, au début, quand je suis entré, entre 10 et 15 personnes, pas plus. Et c'est resté comme ça jusqu'en 58. Et puis moi, j'ai quitté en 58 sur des questions d'organisation. Mais à ce moment-là, SB, c'était pas grand-chose. Les réunions, il y avait juste deux ou trois correspondants en province. La revue se vendait très mal. Pour pouvoir être dans les kiosques, il fallait tirer à 1000 exemplaires. Ils s'en vendaient à peine 200. Et il y avait un problème récurrent à chaque fois qu'il y avait une parution, savoir où stocker les invendus. C'est comme ça que dans mon grenier, j'ai eu des tas d'anciens numéros de SB et tout le monde en avait dans sa cave et tout ça. Ça montrait que l'influence du groupe était très importante jusqu'en 58. Et alors, je me souviens d'une virée qu'ils avaient fait. Moi, je participais avec ma voiture, avec un copain qui est décédé, celui qui m'avait fait entrer à SB. Il y avait Marie-Rose, il y avait d'autres qui étaient descendus chez Chazé. Chazé, c'était un militant de l'entre-deux-guerres qui était arrivé à SB, mais qui avait été déporté, qui avait quitté Paris pour raison de santé. Pour moi, c'était un de mes pères spirituels. Et j'allais tous les ans une semaine chez lui. pour discuter, etc. Et on a une correspondance abondante qui est publiée, vous voyez, les deux livres-là. Je me permets ? Oui, allez-y. Si ça vous intéresse. Vous faites l'histoire. Il y en a deux. Henri Chazet, Henri Simon. La correspondance, et certainement là-dedans, il y a peut-être... Attendez, j'ai regardé. Il y a des index à la fin. Marie-Rose. Berland, il y a marqué « Voir Marie-Rose ». Oui, oui. Vous voyez, Marie-Rose. Alors, Marie-Louise. Marie... Marie-Rose, oui. Si, ici, là. Alors, c'est là où il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Oui. Page 9, bon, page 12, page 15. Page 12. Jusqu'à page 238. Ces lettres me permettent de mieux comprendre qui était Marie-Rose. Une militante révolutionnaire, peignant, créant des bijoux et appréciant ses vacances dans le Midi, notamment à côté de Grasse où habitait Chazet. En 1960, elle quitte Socialisme ou Barbarie, car elle trouve le groupe trop mou et trop intello. Elle veut militer avec des salariés. Elle entre donc au Parti Socialiste Unifié, le PSU. Ces lettres gardent aussi la trace des problèmes de vieillesse de Marie-Rose. Entre 1954 et 1971, et de la maladie psychique de sa sœur Renée. Mais je dois m'y résoudre. Je ne saurais pas ce que Marie-Rose a fait pendant la guerre, quand elle a rencontré les parents de Sam, comment elle l'a retrouvé après-guerre, et je ne sais pas si Sam a milité dans les mêmes cercles politiques qu'elle. Je ne trouve dans ses lettres aucune mention de lui. Pourtant, Chazet aussi avait été déporté durant la guerre. Cela me paraît étrange que Marie-Rose ne lui ait jamais parlé de Sam, avec qui il partageait cette expérience des camps. Je me demandais peut-être, comme c'est a priori elle qui s'est occupée de lui beaucoup après la guerre, peut-être que vous l'avez croisé à un moment donné. Alors j'ai que cette photo, il s'appelait Sam ou Samuel. Non, non, pas du tout. Pas du tout, hein. Non. Je sais pas d'ailleurs si Marie-Rose en avait parlé avec Chazet, ça je sais pas. C'est possible. Si c'est resté entre eux, je peux rien dire là-dessus, absolument rien. Je savais, connaissais même pas cette histoire. Ce que dit ma grand-mère, c'est que Marie-Rose connaissait ses parents, Mandelbaum, avant-guerre. Là, j'ai absolument rien. Puis Chazet est décédé, donc il a fait déjà pas mal de temps. Donc c'est vraiment pour moi, c'est noir. Après avoir promis à ma grand-mère de retrouver des traces de Sam, j'ai été pris par un enthousiasme qui m'a dépassé. Les premières pistes se sont révélées fructueuses, pleines de surprises. Mais la recherche de Marie-Rose a été âpre. Les semaines se sont succédées et je n'ai mis à jour que des bribes de sa vie, sans jamais réussir à les relier à Sam. Un soir, frustré, j'ai décidé de tout reprendre depuis le début. Je recommence donc par ce que je sais le mieux faire, chercher sur Internet. Je dépouille systématiquement tous les résultats de tous les moteurs de recherche. Je reprends tous les noms connus de Sam. Et bientôt, alors que le sommeil commence à me rattraper, je vois dans la liste des images proposées par la recherche images de Google, au milieu de quelques tableaux dont je vous parlerai plus tard, une photo de Sam, que je ne connaissais pas. Une photo nouvelle, qui ouvre vers une histoire que je ne soupçonnais pas. Tout un pan de la personnalité de Sam que ma grand-mère n'a jamais mentionné, et qui, plus que jamais, me rapproche de son souvenir. C'était « Ce souvenir de Sam ». Quatrième épisode, Marie-Rose. Avec Françoise Thévenet, Daniel Blanchard et Henri Simon. Lecture, Hélène Losseur.